arrêtés en montant à la manifestation. Ils avaient soi-disant des fumigènes, comme si les fumigènes étaient interdits. Donc ils ont été arrêtés et ils ont été embarqués par la police. Donc nous avons... demander à la police de les libérer immédiatement. La manifestation ne partira pas tant que nos jeunes camarades ne seront pas libérés et on restera là pour les attendre et on espère qu'ils vont très vite être libérés parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait que de venir manifester. On est sur un abus du pouvoir en place. Un pouvoir qui veut faire taire la mobilisation, qui veut faire taire la manifestation, qui veut faire taire le rejet de tous ces manifestants qui s'opposent au déni de démocratie qu'on fait face depuis aujourd'hui plusieurs mois, avec des manifestations qui se sont tenues dans la durée, qui étaient massives. Et là, aujourd'hui, il y a une décision ferme des pouvoirs en place de faire museler la mobilisation et les manifestants. Donc on n'acceptera pas et on attendra ici jusqu'à ce que nos jeunes camarades soient libérés et nous rejoignent.